parle avec les yeux, comme les gens heureux. Je parle avec le feu, comme les gens anxieux. Du sang sur les mains et des taches à l'âme. Si ton cœur est mien, démontage ma halle. Possession obscure, parce qu'on s'aimait la nuit. Confession nocturne, comme si j'étais Mélanie. Je vois sonner l'alarme, je m'entraîne à être heureux. Pour être prêt le jour où le bonheur sera vraiment là. Tu veux que j'écrive des mots que tu ne lis pas, que tu ne lis pas. Tu veux que je devine des choses que tu ne dis pas, que tu ne dis pas. Tes amis ne veulent pas que tu restes avec moi. Et même s'ils ont raison, nous la raison on l'a perdue. La première fois qu'on s'est vu boulevard des Capucines, j'ai dû halluciner comme si j'étais pas lucide. Je me rappelle encore comment on est tombé sur l'autre, mais je me rappelle pas comment on est tombé in love. Tu m'as demandé si j'ai déjà aimé, yeah. Je t'ai répondu que j'ai déjà essayé, yeah. Je t'ai dit qu'avant toi j'ai vu genre 10 filles, alors que j'ai arrêté de compter depuis genre 10 piges. Un peu d'amour entre deux excès de colère. Avant on s'aimait juste, pourquoi maintenant on se tolère. Comme tous ces gens qui s'ignorent, tous ces gens qui divorcent, tous ces gens qui s'immolent, tous ces gens quasi morts. Oh shit. Comme tous ces gens qui croient que s'aimer c'est se faire du mal. Ils commencent à la mairie, ils finissent au tribunal. Si tu restes ou si tu pars, je sais que c'est une chanson, mais là ce que j'ai sur le cœur, faut que je le dise en rappant, faut que je le dise en t'appelant. Et depuis que t'es parti, est-ce que ma vie avance? Je crois que je ressemble au daron, c'est ce que m'a dit maman. Je suis pas trop fier, c'est toi le trophée, je crois que mon cœur est atrophié. Un verre de plus, je commence toutes mes phrases par Nasdrovier. Ma glande pinéale part en vrille à la vue des femmes. À la fuite des flammes, t'es la seule qui me rend vulnérable. Les films que je t'aimais sont trop maussades. J'ai plus personne pour faire du Congo ça depuis que t'es plus là. Tu penses à la mort, la vida te fait mal. On disait qu'on allait s'aimer ad vitam aeternam. Je vais pas mieux, mais je suis pas à terre. Je voulais que mes enfants aient tes yeux, mais peut-être pas ton caractère. Tu laisses tes amis te dire que c'est peut-être une erreur. Donc je laisse Mélanie te dire ce que j'ai sur le cœur. Toi aussi.